Chapitre 2. Tours est ce qu'on appelle une jolie ville de province. Les maisons y sont propres, ses larges rues s'éclairent au gaz quand vient la nuit, et la rue royale fait l'admiration des bourgeois qui, le soir, vont, avant la retraite, se promener sur le grand pont de pierre qui franchit la Loire. Les monuments nouveaux de Tours, les hôtels de ville, débarcadères et autres, affectent des tournures antiques qui sont au moins risibles. Les portiques s'y profilent gauchement, les tympans y rougissent de leur sculpture et les colonnes s'indignent de leurs chapiteaux mal tournés. Je ne sais pourquoi les architectes modernes ont la fureur de mettre de l'antique partout. Aux Corinthiens, aux Doriques, il faut le soleil, le ciel bleu et les chaudes émanations de l'Orient. Les plus beaux temples sont ridicules sous nos nuages gris. Je n'en voudrais pour exemple que la Madeleine. Elle est grandiose cependant, et de belles proportions, mais quelle triste figure elle fait sous la pluie qui la baigne sans cesse, accompagnée d'un côté par un corps de garde, de l'autre par une place de fiacre. Hélas, Potsdam et le Parthénon eux-mêmes ne résisteraient pas à semblable entourage, surtout si, comme à la Madeleine, on y chantait la messe en faux bourdon. Lorsque nous eûmes traversé le mail, où jadis se promenaient les élégantes de Tours et qui maintenant n'abritent plus sous ces grands arbres que des malades et des bonnes d'enfants, nous entrâmes dans un écheveau de rue assez embrouillé qui nous conduisit à la cathédrale vouée, je crois, à Saint-Gatien. Il en est d'elle comme des bâtons flottants. Quand on vient vers la ville et qu'on distingue par-dessus les peupliers ces hautes tours noircies, on se prend involontairement à la comparer aux vieux clochers d'Amiens et de Rouen. L'illusion n'est pas de longue durée. À mesure qu'on s'approche, le charme disparaît et la réalité nous étonne par sa laideur et son mauvais goût. La façade s'ouvre par trois portails en ogive, feuillés de tous les ornements du gothique de la décadence. De chaque côté monte une tour carrée, appuyée de contreforts et coiffée d'un dôme de pierres à écailles de poisson, couronné lui-même d'une façon de lanterne à colonnette que surmonte une croix. Au flanc d'une des tours, sous des niches que tapissent des nids d'hirondelles, quatre statues, brunies par le temps, se tiennent debout, portant à la main leurs palmes immuables et donnant asile aux corbeaux derrière les raies de draperie de leurs robes. Les lourdes sculptures, qui chargent et surchargent tout le monument, lui impriment un cachet d'insupportable bêtise. Ce n'est même plus le gothique flamboyant, si beau, si éclatant quelquefois. C'est un déplorable milieu entre ce que l'ogival a de moins élégant et ce que la Renaissance a de plus disgracieux. Heureusement que si le couvercle est laid, la boîte est belle. Les nefs sont hautes et fines. Elles rappellent les belles églises du XVe siècle. La forme et l'ornementation des chapiteaux du chœur accusent même une époque plus reculée. De magnifiques verrières l'entourent et tamis sous les voûtes fraîchement badigeonnées un jour douteux, plein de calme et de volupté. Derrière le chœur s'ouvrent deux ou trois chapelles qui font preuve de la haute intelligence moderne. On y a figuré à grands coups de brosse des ogives appuyées sur des pilastres corinthiens. En voyant ce travail sans nom, je me suis représenté l'assassin de ces innocentes murailles, se reculant graduellement et clignant des yeux pour contempler son œuvre dans la plénitude de ses détails, et alors j'ai regretté les tenailles ardentes, le chevalet, les brodequins de fer, et même le pal que la Turquie défend contre la guillotine qu'on veut lui imposer sous prétexte de civilisation. Au côté droit du transept, une grille en fer protège une chapelle où repose le tombeau des deux enfants de Charles VIII. C'est un grossier mausolée en marbre blanc sur lequel dorment les deux jeunes princes, mains jointes et couronnes en tête. Une belle inscription en lettres d'or sur marbre noir est chargée d'apprendre à la postérité le nom du glorieux préfet qui l'a fait rétablir dans l'enceinte sacrée, d'où la Révolution l'avait rejeté. En marchant par la ville, à l'aventure, nos pieds nous amenèrent insensiblement devant ce qui reste de l'église Saint-Julien. La façade est d'un effet puissant qui console un peu de la vulgarité des maisons blanches et jaunes qui l'encadrent. Creusée de baies romanes, soutenue par des colonnes à chapiteaux épatés, sombres, sévères, cuites au soleil, et empanachées de jaunes ravenelles au milieu de cette ville blanche et propre, elle semble le monument dernier d'un âge éteint et de croyances oubliées. Une seule nef ogivale la traverse à l'intérieur, son transept est plein cintre, et des animaux fantastiques s'enroulent à ses chapiteaux. Les araignées filent leurs toiles sur les murs, Les chauves-souris s'accrochent aux voûtes par les crampons de leurs ailes. Tout tombe en ruine, tout s'en va. Mieux vaut cela peut-être que le badigeon administratif. Dans un coin, on a établi un bureau de diligence, et dehors, dans un grand bâtiment attenant à l'église, un bazar étale ses soupières de faïence et ses jouets d'enfants. Le lendemain, nous allons voir Plessis-les-Tours, la demeure bien-aimée de Louis XI, à qui on sait plus à reprocher tant de crimes monstrueux et à qui je ne reproche rien que d'avoir été traduit en romans, drames et tragédies par tous les porte-plumes de notre époque. Au Plessis, il ne reste plus vestige du château. Une tourelle carrée seule est demeurée debout, mais on l'a replâtrée, on a accroché à ses flancs une ou deux maisons de bois et on a fait une fabrique de plomb de chasse. L'industrie a pris le donjon terrible et l'a découpé à sa taille. Un philanthrope trouverait cela fort beau. Un moraliste humanitaire y verrait un grand enseignement pour les rois. Nous eûmes la faiblesse de regretter les pièges et les chausse-trappes qui semaient la plaine aux alentours de l'antre du vieux lion, et surtout nous regrettâmes de ne pouvoir contempler son pâle visage sous son bonnet de laine brune bordé de petits gris. En revenant, nous passerons près de la grande cour romane de l'abbaye de Saint-Martin, dont les rois de France étaient abbés. Quelques bêtes féroces et stupides réunies en conseil municipal ont fait jeter bas une bonne portion des bâtiments de l'abbaye afin de percer cette route qui nous mène par la rue des Trois-Pucelles où nous voyons la maison de Tristan l'ermite, entre autres sombres et grandes figures que le peuple maudit parce qu'il ne l'a pas comprise. La façade n'a rien de curieux que le jaune impossible de son badigeon. Trois arcades ogivales ressortent en relief sur sa muraille et retombent sur des colonnes dont les chapiteaux ne sont que de simples torillons. Une gouttière déverse l'eau des pluies dans une sorte de récipient en plomb fleurdelisé. Deux ou trois pots de basilic s'épanouissent aux fenêtres. Depuis deux jours que nous étions à Tours, nous n'avions pas tardé à l'épuiser et voulions aller en pèlerinage au pays qui vit naître Rabelais. Nous montâmes le lendemain sur l'étroite banquette d'une diligence qui devait nous conduire à Chinon. La voiture était pleine, on avait empilé 12 ou 15 voyageurs les uns par-dessus les autres, la bâche couvrait une pyramide de bagages, de maigres haridelles flottaient entre leurs traits et attendaient l'instant de partir avec une philosophie pleine d'appréhension. Après bien des retards, le conducteur gagna son siège, fouailla ses rosses qui secouèrent les oreilles et tentèrent quelques pas en avant. La lourde machine s'ébranla, hésita, s'arrêta et se mit enfin sérieusement en branle. Nous sortions de Tours quand un nuage se prit à nous cracher sa pluie au nez. Cela dura assez longtemps et le paysage se bornait pour nous au rideau de cuir gras qui nous garantissait. Nous relayons à Azay le rideau qui s'assied au bord de la Loire et se présente bien avec un vieux château enfoui derrière des peupliers et des arbres verts. La route traverse la forêt de Chinon encore veuve de feuilles et qui rachète la tristesse morne de ses bois dépouillés par quelques aspects de mousse et de gazon. Nous côtoyons les landes bachats où paissent quelques troupeaux qui lèvent mélancoliquement la tête au bruit de notre voiture et bientôt nous apercevons les hautes tours démantelées du château de Chinon. Nous descendons une route rapide qui longe les remparts où foisonnent les ordures et au bout d'un quai étroit planté de faibles arbres, nous mettons pied à terre sur une place où, dans un coin, s'élève la maison commune. Chinon se baigne dans la Vienne et grimpe de terrasse en terrasse jusqu'à la châtellenie qui l'assomme. De loin, les maisons paraissent juchées les unes sur les autres, des ruelles tortueuses et bossues serpentent parmi les jardins, enjambent les escaliers, donnent leur herbe à manger aux ânes et aboutissent au château bâti en 958 par Thibaut le Tricheur, premier comte de Touraine. Il vit mourir en 1189 Henri II d'Angleterre, à qui Dieu infligea un fils en expiation du meurtre de Thomas Becket. En 1204, Philippe Auguste le prit sur les Anglais et depuis il est resté à la France. La porte d'entrée est flanqué de deux tourelles, bien conservées, sous leur toit pointu. Pendant que le concierge descend pour nous ouvrir, nous examinons la rainure des murailles où jadis glissait la lourde herse de fer, lorsque les hommes d'armes sanglants et joyeux rentraient après une riotte avec les vilains qui refusaient la taille. 93 a passé par là. Aussi, tout est ruiné, tout s'est écroulé. L'herbe pousse sur les donjons, Des jardins rient au soleil dans l'enceinte des remparts. Les murs baignent leurs pieds dans des flots de verdure qui montent des fossés aux créneaux. Des pâquerettes blanches, des clochettes bleues, des boutons d'or couronnent les cheminées restées debout. Les lierres décollent les pierres, les égrènent sous leurs doigts crochus et cachent d'un impénétrable rideau vert la retraite où les oiseaux de proie viennent dormir la nuit. Nous voyons la salle où Johann et la bonne Lorraine, peu anglais, brûlèrent à Rouen, vint trouver Charles VII. Il faut se coucher pour entrer, car l'exhaussement du terrain a presque comblé la porte. La toiture s'est envolée, le ciel entre comme un plein champ. Un large ruban noir lèche la muraille, atteint le sommet du pignon. C'était la cheminée. La chambre est pleine d'églantiers, d'arbres verts et mille plantes sauvages qui bourgeonnent et fleurissent à la tiédeur du printemps. Ah, comme la nature se soucie peu de l'histoire! Non loin s'arrondit une tour en haut de laquelle crie une girouette de tôle. La chambre qu'elle renferme s'élève en ogive. C'était la chapelle. Elle contient maintenant quelques cercles de tonneaux et des instruments de jardinage. Un escalier écorné, usé, conduit à sa plateforme. La vue embrasse un immense horizon de prairies sillonnées par les eaux plates et brillantes de la Vienne et plonge dans la ville qui se groupe au pied des remparts. Les jardins descendent jusqu'aux premières maisons. Les lilas, les héliotropes, les cytis sont en fleurs. L'air est embaumé. Impassible, le vieux château fort regarde la nature s'agiter à son ombre pendant que chaque rayon du soleil, chaque goutte de pluie le noircit, le dévore et lui prépare son dernier lit dans la poussière. Nous traversons un potager où s'alignent avec ordre les choux et les laitues, et nous arrivons à un pont qui joint les deux rives d'un fossé qui séparait autrefois la première enceinte de la seconde. D'énormes noyers ont poussé leurs troncs vigoureux du fond des douves et ils viennent épanouir leurs branches bourgeonnantes jusqu'à la hauteur du parapet. Nous visitons deux tours qui servaient de prison. Une d'elles tient lieu de cave et de buvette. Nous descendons les trois étages de l'autre. Au bas du premier escalier s'ouvre une chambre. Dans le plafond s'enfonce profondément un crampon auquel pendait, dit-on autrefois, une cage de fer, où se renfermaient les prisonniers qu'on voulait oublier. Aux deux étages inférieurs, sur les parois des murailles, s'intaillent des inscriptions, des figures religieuses, des croix, des chapelets, restes à demi effacés du séjour de quelques malheureux. L'un d'eux a dessiné une main ouverte tendue vers le ciel. Est-ce une simple inspiration du hasard? Est-ce un appel à Dieu, cette suprême espérance de ceux qui n'en ont plus? En revenant sur nos pas, nous voyons les oubliettes, puis immense, large à son ouverture et rétrécie à sa base. On se brisait infailliblement au mur, on était broyé avant de toucher terre. Près de là, derrière un inextricable réseau de ronces et d'épines, bâille l'entrée d'un souterrain qui conduit au fond de ce puisard. Il était bon de pouvoir s'assurer au besoin que la victime était bien morte. Nous redescendons dans la ville par des sentiers sales et caillouteux. Nous allons à l'aventure, cherchant quelque part un souvenir de Rabelais, et ne trouvant que de bons bourgeois qui montent leurs factions déguisées en gardes nationaux, ce qui n'aurait pas pu réjouir celui dont l'immense éclat de rire retentira tant que le monde roulera sous le ciel. En vain, nous attendons une diligence qui doit nous porter à Fontevraud. Elle n'arrive pas. L'impatience nous gagne, nous faisons atteler un cabriolet de la poste, et au grand ébahissement des messieurs qui dînaient à la table d'hôte, nous partons au bruit du fouet, au chant joyeux des grelots qui sonnaient au cou de notre cheval. La nuit venait, un vent frais passait sur nos têtes et agitait les branches des arbres où chantaient les rouges-gorges et les mésanges. Les nuances rosées du couchant disparaissaient peu à peu et faisaient place à des teintes verdâtres dont les lignes étroites s'allongeaient vers le ciel pendant que de gros nuages gris montaient lourdement à l'horizon comme de monstrueux oiseaux. À notre gauche, des maisons abritées sous des noyers s'échelonnaient sur une colline. Par les portes ouvertes, on voyait resplendir le feu de l'âtre et la fumée ondulait en sortant des tuyaux noircis. À notre droite, les prairies s'étendaient sous l'ombrage des peupliers. La Vienne serpentait derrière les saules et de grandes flaques d'eau brillaient dans les herbes. Au loin apparut un long troupeau de petits chevaux montés par de singuliers cavaliers. Hommes en blouse, en veste, en chapeau roui, en bonnet rayé, femmes en jupe rouge, en cotillon noir, en coiffe blanche, en béguin de couleur. Ces chevaux sortaient d'un chemin creux et couvert, marchant au pas et baissant la tête. Leur conducteur s'appelait, parlait à voix haute ou chantait quelques refrains monotones. Ainsi, vu par un froid crépuscule, au milieu de cette nature que les approches de la nuit rendaient sauvage, cette cavalcade faisait penser à des hordes de barbares qui, montés sur leurs maigres chevaux, traînant avec eux leurs familles et leurs tentes, s'en allaient par le monde pour chercher une patrie. La nuit était venue quand nous traversâmes Montsoreau, qui regarde la Vienne entrer dans la Loire. Nous passons auprès de son château fort où, en 1572, Monsieur de Montsoreau faisait bel et bien griller les huguenots, les hérétiques et autres méchants garçons. Nous quittons les bords de la rivière et nous arrivons à Fontevraud. Nous soupons en toute hâte, nous nous couchons, et le lendemain nous écrivons une belle lettre au directeur de la maison centrale pour obtenir l'autorisation de la visiter. Au bout de quelques minutes, un domestique vient nous chercher, nous franchissons un guichet gardé par des soldats et nous sommes introduits dans le cabinet de monsieur le directeur. Il se lève à notre aspect, et pendant qu'il salue et cherche une phrase digne de l'épître que nous lui avons adressée, nous pouvons l'examiner en détail. C'est un homme de 48 ans environ, mal conservé, crasseux et commun. Il s'enveloppe d'une robe de chambre verte à carreaux noirs qui montre une crasse doublure rouge et laisse apercevoir un pantalon à sous-pieds tiré sur des bottes pointues, un gilet de velours autrefois bleu, trop court, un bouton dépareillé, et une chemise presque blanche qui rejoint un cou noir d'où sort une tête piquée de petites véroles. Son nez long et d'une jolie teinte mi-partie violet, mi-partie rouge, surplombe le sourire bête et banal de sa grande bouche. Ses cheveux gris mélangés, artistement séparés par une raie jaunâtre, retombent de chaque côté en une seule boucle et caressent un col blanc qui encadre son visage rasé. La figure va bien sur le costume et l'homme se complète d'une chaîne d'or qui entoure la cravate, serpente sur la poitrine, se cache modestement derrière le gilet et reparaît bientôt entre deux boutonnières, abondantes et lumineuses, pour aller s'engouffrer dans une poche de côté. Pour achever son portrait, je ne dirai plus que ceci. Il était bègue, et de toutes les coiffures inventées depuis la création du monde, une seule lui conviendrait et l'élèverait à sa dernière puissance, la casquette à la Buridan. Après une conversation de 5 minutes qui dura un quart d'heure, en passant par ses lèvres rétives, auprès qu'il eût épuisé toutes les inflexions, tous les gloussements, tous les aboiements du larynx humain pour prononcer le mot « archéologique danger », il nous remit à un garde-chiourme qui lui-même nous transmit à un frère gardien. Accompagnés du cher frère, nous descendîmes un large escalier, fermé par une lourde grille en fer, et nous arrivâmes au réfectoire. C'était l'instant du déjeuner, et tous ces pauvres diables voleurs, violeurs, meurtriers et faussaires étaient silencieusement assis, vêtus d'horribles costumes de drap gris, coiffés d'une casquette cucurbitacée et portant au bras leur numéro d'ordre sur une plaque de fer blanc. À notre entrée, toutes les têtes se tournèrent et nous regardèrent avec des yeux effrontés. Il serait ici de bon effet pour la morale publique et de haute déférence pour les cours de rhétorique de tracer, avec une indignation mêlée de pitié, le portrait d'un misérable bourrelé de remords et traînant sa pénible existence affaissée sous le poids de ses forfaits. Cependant, contre toutes les règles de l'art, je ne le ferai pas. D'abord, parce que je n'ai rien vu de semblable, ensuite, parce que je ne crois pas aux remords. Et je dirais même qu'à la façon stupide dont la société traite les criminels, ceci serait bien sot de se repentir de l'avoir lésé dans son existence et ses intérêts. Qu'ont donc fait ces grands malfaiteurs qu'on renferme et qu'on garde avec tant de soin? Ils ont fouillé quelques coffres-forts. Ils ont plus ou moins tué leur père ou leur mère. La belle raison, en vérité, pour priver d'air et de soleil un vertébré bipède, bimane et intelligent. Il est vraiment fâcheux qu'on ne séquestre pas ceux qui volent clandestinement la femme d'autrui. Qui est-ce qui n'a pas un petit cocuage à se reprocher? Espérons que la civilisation nous amènera cette bonne mesure. Et alors, vive Dieu, l'espèce masculine entière gémira sur la paille humide des cachots, vieux style, et la fin du monde arrivera, ce qui sera une grande consolation pour ceux qui croient au paradis. Nous parcourons le cloître que les besoins de la prison ont coupé, morcelé, déchiqueté. Des cloisons le traversent, des portes l'éventrent, ce n'est plus maintenant qu'une suite de couloirs sans intérêt. La grande salle capitulaire qui s'ouvre à une extrémité de la galerie porte à chaque coin un lourd pilier sur le chapiteau duquel viennent s'appuyer les nervures qui courent sur la voûte ogivale. Des fresques l'ornaient jadis, maintenant elles s'écaillent, se dégradent et bientôt sans doute disparaîtront sous un lit de chaux. On distingue même quelques figures d'abbesses costumées de noir, coiffées de blanc, fraîches, sensuelles, bien à point, avec de bons plis sous le menton et de grasses mains creusées de fossettes roses. De là, nous passons à l'église. Le chevet qui fut bâti en 1102 sert de chapelle aux prisonniers. Quant à la nef, qui ne fut construite que 23 ans plus tard par Foulque V, comte d'Anjou, elle est maintenant convertie en atelier. L'intérieur du chœur où le cadavre d'Henri II saigna devant Richard est de haut style romano-byzantin. Des colonnes supportent d'étroites arcades plein cintre qui dominent tristement deux chapelles rococo simulées sur les murailles blanchies. Nous sortons pour voir l'extérieur qui se présente bien à l'œil. L'abside en cul-de-four ressort entre deux rotondes qui l'accompagnent et une baie cintrée d'une grande pureté s'ouvre sous une archivolte qui se creuse de 1000 dessins fantastiques et que le printemps a couronné d'un bouquet de giroflées jaunes. À quelques pas s'élève la tour d'Evrault, singulière énigme de pierre dont nul encore n'a pu trouver le mot. On prétend qu'elle remonte à la plus haute antiquité, et cependant son architecture ogivale indique clairement qu'elle est postérieure même à l'église. Les habitants du pays racontent que jadis vivait un brigand terrible, qui se nommait Evrault. Il avait fait élever cette tour qui lui servait de retraite, et chaque soir, quand la nuit venait, il allumait un feu au sommet. Les voyageurs égarés voyaient de loin le fanal trompeur, ils accouraient à sa lumière et se heurtaient à lui en demandant l'hospitalité au nom de Jésus Sauveur. Evrault, qui était un mécréant, qui ne croyait ni à Dieu ni au diable, ouvrait la porte, puis il tuait les malheureux pèlerins, les dépouillait, et même, à certains jours de l'année, il mangeait leur chair en compagnie d'un gros loup blanc qui ne le quittait jamais. La tour est carrée, surmontée d'un haut toit octogonal, en pierre, et terminée par une lanterne appuyée sur des colonnettes. À l'intérieur, les murailles s'enfoncent à 7 endroits différents et forment autant de cellules ouvertes. La voûte monte, coupée à 8 pans, et rétrécie à son sommet, à peu près en forme de bonnet de prêtre. Nous ne pouvons décider la question tant débattue de la destination primitive de ce bâtiment. Nous dirons seulement qu'au château des Papes, à Avignon, une salle semblable existe et qu'elle servait jadis de lieu de torture, que là, comme à Fontevraud, les pendentifs ne s'allongent pas le long des murailles, mais qu'ils s'arrêtent à la hauteur de l'ogive des cellules et se creusent en dessous, disposition qui brise le bruit, éteint l'écho et rend la chambre sourde et muette. À cela, nous ajouterons que la tour d'Evrault est maintenant un atelier de tisseranderie. Pendant que nous voyagions ainsi à travers l'ancienne abbaye, le déjeuner des prisonniers était terminé et ils jouissaient de la demi-heure de promenade qu'on leur accorde après chaque repas. Par un ingénieux raffinement introduit en 1839 dans les maisons centrales, il est défendu à ces malheureux de communiquer entre eux, et alors, pour les contraindre au silence pendant ce qu'on appelle ironiquement leur récréation, on les réduit à marcher les uns derrière les autres. Deux bandes circulent ainsi, en sens inverse, dans la cour. Ceux que l'exercice fatigue obtiennent l'autorisation de s'asseoir sur un banc où les places sont sévèrement distinguées par des traverses en bois. À la vue de cette étrange gymnastique, je ne sais quel sentiment l'emporte du triste ou du grotesque. Au premier abord, l'esprit s'étonne et regarde curieusement cette incompréhensible manœuvre. Puis, quand il a pénétré le mystère de ce mouvement si régulier qu'il semble machinal, une amertume indicible le remplit et l'abat. Alors on s'en va, plein de dégoût, non pas pour ces misérables qui tournent comme des bêtes fauves en cage, mais pour les imbéciles qui ont cherché, trouvé, mûri de semblables cruautés plus bêtes encore que féroces. Certes, quand ce pauvre Robert d'Arbrissel bâtissait son couvent, quand il couchait avec ses blanches nonnes pour acquérir les tourments de l'amour et savoir les vaincre, il ne pensait pas qu'un temps viendrait où des frères ignorantins, des argousins et un bégayant directeur garderaient des philosophes devenus péripatéticiens dont le seul tort est d'avoir repris leur part commune dans la poche des autres. Nous sortîmes après avoir déjeuné, nous mettons notre sac à notre dos et nous prenons nos bâtons. Un gendarme facétieux regarde nos préparatifs et nous déclare que, s'il était riche, il aimerait bien voyager comme ça. Le blond Phébus nous rit entre deux nuages et nous partons. Nous suivons la route qui conduit à Montsoreau. Le temps est beau, quelques grandes nuées blanches galopent dans le ciel éperonnées par le vent. Les bourgeons des arbres s'entr'ouvrent au soleil, nos bâtons résonnent sur le chemin ferré, il fait bon de marcher ainsi. À Montsoreau, nous tournons à gauche et nous prenons la levée qui s'allonge jusqu'à Saumur, entre la Loire et les coteaux où les maisons s'entremêlent aux rochers couverts de ronces. Nous allons donc ainsi, cheminant joyeux et sans souci, bavards et silencieux, chantant et fumant. C'était pour nous un de ces jours qui font aimer la vie, un de ces jours où le brouillard s'écarte un peu pour laisser voir un coin d'horizon lumineux. Nous avions laissé derrière nous les mélancolies des grandes villes, le paysage nous enivrait, nous éprouvions au cœur des tendresses infinies et des miséricordes profondes. La Loire brillait, large et calme, entre ses deux rives de prairies. Quelques grands bateaux la remontaient avec leur unique voile gonflée par le vent et paraissaient au loin comme ces galères antiques que les zéphyrs poussaient de leur haleine et que les tritons escortaient en soufflant dans leur conque. Nous entrâmes dans Saumur par le vieux quartier, où nous nous arrêtâmes à regarder près de l'église Saint-Pierre un petit portail roman qui s'ouvre clandestinement dans une rue latérale. L'arc plein cintre est de bon style. Son archivolte est convenablement tourmenté et les chapiteaux à ses colonnes morcelées épanouissent des feuillages inconnus. Malgré le soleil qui l'éclaire, ce petit coin est dur et sombre. L'eau des pluies égarée par une gargouille brisée s'est égouttée sur lui et la pierre a disparu sous une teinte verte veloutée de taches blanches. Tout cela est triste et fait penser aux moines du temps jadis. Alléchés par cette petite porte de haut ragoût, nous nous précipitons pour voir l'entrée principale et nous trouvons un portail de la fin du XVIIe siècle. Après quelques circuits à travers la ville, nous arrivons tant bien que mal à l'Hôtel de France où notre tournure débraillée, poussiéreuse et fatiguée nous fait presque refuser un logement. On nous établit dans deux mauvaises chambres, nous sonnons pour avoir de l'eau chaude, on tarde à venir, nous crions et tempêtons. L'hôtelier s'étonne de ce luxe de propreté inconnu à ses confrères de Saumur. Il juge d'après notre colère que peut-être nous valons mieux que notre apparence et avec mille circonlocutions embarrassées, il nous installe dans le plus bel appartement de sa gargote. Le lendemain, le temps fut de mauvaise humeur. Un vent âcre soufflait. Le ciel se mit de la partie et lâcha les écluses de ses nuages les plus humides. Nous attendîmes longtemps, pensant qu'un rayon de soleil boirait la pluie, mais, voyant la nuit venir et l'eau tomber toujours, nous faisons atteler une façon d'américaine, nous y montons, et malgré la brutalité fantastique et maladroite de notre cocher, qui trouve moyen d'accrocher, de rompre la sous-ventrière, de casser son fouet et sa lanterne, nous arrivons sans accident à Notre-Dame des Ardilets, située presque hors la ville, auprès de la Loire. C'est une de ces sottes églises, construites en souvenir du Panthéon d'Agrippa, à l'époque où chaque hameau voulait avoir son petit Saint-Pierre de Rome. L'intérieur est une rotonde, passablement malgracieuse. Dans un coin se creuse une grotte figurée avec des roches rapportées et des lambeaux de toile peinte. Quelques plantes en papier colorié campent à son entrée une mousse factice croît sur un lit de cailloux sur lequel dort, couché immobile, une croix à la main et les cheveux épars, une poupée de grandeur naturelle qui doit représenter Notre-Dame des Ardiliers. Un ciel pluvieux assombrissait l'église, et dans la demi-obscurité qui la couvrait, cette caverne et cette sainte morte faisait, malgré son mauvais goût, à cause de lui, peut-être, un singulier effet de froid et d'étonnement. En face, au-dessus d'un autel couvert de sa nappe blanche bordée de guipures, s'enchâsse dans un cadre doré un beau tableau de Philippe de Champaigne, un des plus sublimes faiseurs de portraits. C'est une présentation au temple. Le Simon qui tient Jésus est de belle ordonnance et bien coupé. Sa barbe, d'un roux lumineux, accompagne bien son visage extatique. De grandes architectures occupent les derniers plans, et dans les premiers foisonnements, 1000 personnages d'habile composition, depuis la Vierge jusqu'à des Lévites, jusqu'à des enfants nus et roses qui marchent à travers la toile. Saint-Pierre, dont le petit portrait nous avait charmé la veille, est un incroyable mélange de gothique replâtré à la moderne, avec des cartouches de pierre ciselées, avec haut plafond et des chapelles à calvaire d'un goût tout italien. La grande rue, au milieu de laquelle s'élève l'église, rejoint la route de la Vendée. Nous la suivîmes, effrayant un long troupeau de bœufs qui tourne tête à notre approche, et nous pûmes admirer en passant l'intelligente manière dont l'ingénieur des ponts et chaussées traite les arbres de la bonne ville de Saumur. Une avenue d'ormeaux magnifiques bordait le chemin serré entre des prairies. Maintenant décapités, ébranchés, coupés, maltraités, ils ne peuvent faire reconnaître s'ils sont hêtres ou sycomores. Ils n'ont plus forme que de soliveaux mal dégrossis et si honteux de leur mutilation méditée qu'ils ne laissent voir ni bourgeons ni feuilles. Notre voiture s'arrête à la porte en dolmen de Bagneux ou Bagnon. Il sombrage sous de jeunes marronniers dont les fleurs commencent de s'éparpiller au vent. C'est plutôt une allée couverte qu'un dolmen. Les pierres énormes forment murailles de tous côtés et soutiennent de gigantesques quartiers de rochers. Un d'eux, vaste table de 25 ou 30 pieds de large, s'est fendu par le milieu et appuie ses deux débris sur un seul pan planté à l'intérieur. Il y fait froid, les pierres mal jointes laissent voir le ciel, la pluie coule par les interstices et clapote en tombant goutte à goutte dans de petites mares verdâtres. Je trouve que ce serait un joli cabinet de travail, et mon compagnon estime que ce serait une belle salle à manger. En revenant vers la ville, nous descendîmes à Nantilly, vieille église qu'on appelait l'église matrice, parce qu'elle avait été la première de Saumur. Elle siège sur une espèce de mamelon maçonné qu'on gravit par une pente adoucie. De chaque côté de son portail roman primitif, verdissent deux marronniers au tronc raboteux, aux fortes branches noires, couronnées d'un épais feuillage. Autrefois, une seule nef existait, une nef romane d'un style sévère. Louis XI y a fait accoler un bas-côté ogival qui jure un peu avec sa voisine. Dans un coin, la muraille s'enfonce, se découpe en ogives fleuries et forme une sorte de réduit qui était autrefois l'oratoire de Monseigneur le roi Louis XI. Quand nous sortons, le ciel se rembrunit encore, la pluie tombe à torrents, l'obscurité vient et nous rentrons, abandonnant notre projet de visite au château, qui n'a rien de curieux au reste que la façon pittoresque dont il groupe ses tours sur le coteau qui domine la Loire. Le lendemain, à 10 heures du matin, nous montons à bord du Dragon, petit bateau à vapeur qui fait le service de Tours à Nantes et qui doit nous déposer à Ancenis. Les rafales de pluie et de vent nous chassent du pont et nous contraignent à descendre dans le salon des passagers. Dans un des coins sur une banquette en face de la nôtre, deux femmes sont assises. L'une vieille, ridée, maigre, sans distinction, rentière de province qui a habité Paris. L'autre, sa fille sans doute, jeune, bien membrée, musculeuse et hardie. Ses yeux soutiennent le regard sans se baisser. Ses pommettes saillantes, son menton carré, annoncent la résolution et la dureté. Son front bombé et lisse, brillant, s'enchâsse dans les bandeaux de ses cheveux châtains, ses dents blanches et nettes semblent vouloir mordre, tandis que ses lèvres roses, un peu épaisses, allongées, creusées d'une fossette à leur extrémité, et comme fellatrices par leur forme même, font rêver aux voluptés les plus mystérieuses et les plus chères aux amants heureux. Elle croisait les bras sur sa poitrine, qu'enveloppait un simple châle de cachemire, et ses pieds mal chaussés s'enfermaient dans des brodequins bleus sur lesquels retombaient les plis d'une robe en mérinos noir. Je la regardais d'abord par un sentiment de curiosité banale, ensuite par envie de la voir, enfin par un étrange besoin que je ne pouvais définir. J'aurais voulu savoir son nom, son pays, ses habitudes, ses amours, sa vie entière enfin. Elle n'était pas mariée. La rougeur marbrée de sa main que j'avais aperçue par hasard me l'avait appris. Mais qui était-elle ? Je m'emparais de cette idée avec une intensité intellectuelle si violente que j'en arrivais à une souffrance véritable. C'est dans ces moments-là qu'on regrette de n'avoir pas en soi toutes les qualités qui embellissaient les aimables princes des contes de fées. Grâce, esprit, beauté, richesse, afin de pouvoir attirer l'attention, adoucir l'inquiétude et respirer pendant une heure ou deux ce beau parfum d'amour qui vous monte à la tête et vous trouble le cœur. Mais, hélas, et pour cause, il ne pouvait en être ainsi, et je restais ainsi, la contemplant par-dessus le livre ouvert devant moi, rêvant à ses caresses particulières, au bondissement de ses hanches saillantes, au soubresaut de ses reins, aux paroles qu'elle bégayerait, éperdue, quand l'amour militant viendrait dire à ses sens « Debout, car le temps est venu ». Lorsque la cloche du bateau annonça Angers, elle se leva d'un mouvement brusque et décidé. Elle traversa légèrement la planche qui joignait le vapeur au quai. Elle embrassa un vieux bourgeois, une jeune femme qui semblait l'attendre, puis elle marcha vers la ville, insoucieuse de mes regards qui la suivaient avec une telle ardeur que je remarquai à peine le château noir, le vieux pont et les sottes flèches dentelées de la cathédrale d'Angers. La vapeur siffla, toutes les roues battirent l'eau, le bateau repartit et je demeurai longtemps sous le poids de la mélancolie amère et profonde que j'avais ressentie. Le temps s'était radouci, nous nous assîmes sur le pont en regardant la Loire. Je ne sais ce qu'elle est en hiver, quand les pluies et les neiges l'ont gonflée, quand elle s'enfle, quand elle s'agite sur son lit de sable mouvant, et qu'elle se répand par la campagne et par les villes. Mais quand nous la vîmes, elle était calme et douce. Les longues prairies qui la bordent baignaient leurs herbes dans ces eaux tranquilles, les copées ou cépées d'arbres s'y reflétaient et secouaient au vent leurs jeunes chevelures. Ce n'est plus l'âpreté du Rhône, ce vieux fleuve sauvage qui bouillonne et se défend entre les coteaux chargés de vignes et de rochers, qui abat ses quais, renverse ses ponts et engloutit les bateaux. Ce n'est plus la magnificence de la Seine, ruisseau, bête et bourbeux jusqu'aux Andelys, mais qui de là devient le fleuve normand, le fleuve de l'invasion, et qui jusqu'au Havre roule ses flots verts emportant sur ses rives Château-Gaillard, Saint-Ouen et Notre-Dame de Rouen, la terre de Robert le Diable, Jumièges, Tancarville, et se débat contre la mer qui vient le prendre à Honfleur. La Loire n'est que jolie. Elle a parfois des aspects gracieux et des bouquets d'arbres qui font penser aux rondes des jeunes filles sous la feuillée. Il doit sur ses bords éclore de naïves amours tendres et roses. La sève monte bien à ces arbres, mais elle n'y est que douce et jamais forte. Vers 4 heures, nous débarquâmes à Ancenis et aussitôt nous montâmes à travers la ville en passant auprès des Halles, vastes toits d'ardoises soutenus par des piliers de bois. Les rues sont laides, les maisons basses et les femmes médiocres. Dans l'église, qui est un chef-d'œuvre de nullité, nous aperçûmes un baptistère orné d'une fresque représentant Jésus, ondoyé par saint Jean, et entouré de jardiniers appuyés sur leurs bêches et coiffés de bonnets de coton. Vis-à-vis s'élève une chapelle surmontée d'une croix grandeur naturelle, comme dirait un peintre de portrait, et parsemé de cœurs en cuivre doré. Vers le maître-autel, enguirlandé de fleurs et de rubans, une statue en plâtre de la Vierge Marie. Nous dînâmes en compagnie de quelques petits bourgeois d'Ancenis. Nous dormîmes une bonne nuit dans de larges lits à baldaquins, sous des rideaux chargés de turcs à poignards caressant des odalisques emplumés, et le matin, nous sortîmes avec un beau soleil, marchant le long de la Loire et cherchant une pierre druidique. Nous la trouvâmes dans une prairie sous forme de borne renversée, à moitié enfouie sous le gazon. Auprès d'elle, nous oubliâmes le respect du haut Dieu et tout en devisant des omni re scibili et quibis dam aliis, nous remontâmes la ville tout entière jusque devant le château. De vieilles tours brisées, lézardées, écroulées dans les fossés, cachées sous d'épaisses grappes de lierre, portent encore dans leurs flancs d'ardoise les boulets de granit et les biscayens de fer que les artilleurs de la Trémouille y lancèrent en 1488. Louis XI, en guerre avec François II de Bretagne, avait déjà pris Ancenis en 1468. Le 27 septembre de la même année, il signait avec le duc un traité, comme il savait si bien les faire et les éluder. Depuis cette époque, Ancenis appartint au duc d'Elbeuf, prince de la maison de Lorraine. Le prince de Dombes, commandant pour Henri IV contre le duc de Mercœur, s'empara de la ville, la saccagea, et en 1599, la place fut démantelée comme la plupart des châteaux de Bretagne qui avaient tenu pour la Ligue. L'entrée principale existe encore, flanquée de deux lourdes tours, mais les portes sont murées, les douves s'encombrent de débris et des maisonnettes se sont huchées sur les fortifications. Il n'a plus rien qu'une vieille ruine qui donne du ton à Ancenis et lui ôte un peu de sa monotonie. L'intérieur est maintenant un jardin proprement dit, d'où l'œil remonte et descend la Loire. On y jouit pleinement et dans toute sa stupide élégance de la vue du pont qui se balance au-dessus de la Loire, accroché par des fils de fer et appuyé sur de hauts piliers. Rien ne m'attriste et ne me donne pire humeur qu'un pont suspendu avec son tablier aérien et l'eau qui passe sans obstacle sous lui. On admire, on s'extasie, on crie au miracle quand on a réussi à enjancer des planches, à ficher des fils de fer, à engrener des cerceaux de fonte de façon à leur faire porter piétons, cavaliers et voitures. Il est possible que ce soit un progrès de l'art et une utilité pour les bateaux grands voiliers, mais c'est mortel pour le paysage. Et ma foi, la nature vaut bien quelquefois la peine qu'on se gêne pour elle. Rendez-nous nos bons vieux ponts de pierre, à parapets saillants, à piliers en biseaux. L'eau murmure et se brise contre eux, les barques s'accrochent aux anneaux de leurs voûtes, et le soleil fait bon effet sur eux quand ils se couchent en les regardant. À 11 heures du matin, et lorsque nous eûmes déjeuné, nous montâmes en carriole. Nous dîmes adieu à notre hôtesse et à la plus charmante petite fille de 10 ans que j'ai vue, et nous partîmes, étonnant Ancenis tout entier du bruit de notre voiture. Le pays change, ce n'est plus l'aimable Touraine, ce n'est pas la plantureuse Vendée, ce n'est pas encore la rude Bretagne, c'est le pays des chouans. Les champs s'enferment entre 4 haies. Des genêts, des ajoncs jaunes comme l'or, s'éparpillent au milieu des landes. À tous les carrefours de route, un maigre Christ s'étire sur une croix, chargée de tous les instruments de la passion, depuis l'éponge qui abreuva ses lèvres arides jusqu'à la lance qui perça son flanc. Les paysans sont laids et tristes. Ils marchent sans parler sur les chemins et ne saluent pas le voyageur qui passe, comme dans les bons pays de France. Là, le prêtre est Dieu. Il commande et on obéit, et chacun a ramené l'adoration du Créateur à la créature. Notre route traverse la bourgade de Saint-Mars et suit pendant longtemps de vastes prairies arrosées par les méandres de l'Eure et 3 ruisseaux qui deviennent presque fleuves en approchant la Loire. Nous passons devant l'église de Riaillier, au moment où toutes les petites filles du pays, laides et noires, vêtues de blanc et portant bannières, cierges et croix, se rendent processionnellement à l'église. Lorsque nous eûmes subi les longueurs infinies et les rudes ornières d'un chemin de traverse, nous atteignîmes au but de notre voyage à l'abbaye de la Mielleraie. Nous sonnons, le frère portier nous ouvre, le père hôtelier survient et se félicite avec 1000 congratulations de l'hospitalité que nous lui demandons. Nous traversons une longue cour, nous gravissons un escalier de pierre et nous entrons dans une salle réservée aux visiteurs. Le père hôtelier nous quitte en ayant soin de réclamer nos passeports et nous restons seuls quelques minutes. Nous profitons de cet instant pour reconnaître les lieux. C'est une chambre carrée, éclairée d'une fenêtre, ouverte d'une porte comme toutes les chambres possibles. Un arbre généalogique des couvents sortit de sitôt, 2 cadres, en chassant quelques instructions à l'usage des étrangers, sont pendus aux murailles. Une armoire vitrée contient des chapelets, des médailles, une seconde est remplie de livres de piété, de lithographies saintes et morales, une entre autres intitulée « Les faux plaisirs ». Au premier plan, un jeune adolescent vêtu d'une robe longue prit un chapelet à la main et en levant ses yeux vers le ciel où des anges, aux ailes pointues, le contemplent en jouant de la viole et du robre. Plus loin, sous un arbre de forme inconnue, une jeune fille en robe décolletée et en manches à gigot joue de la guitare et fait danser une de ses compagnes qui soulève délicatement son tablier en retroussant ses petits doigts. À ses côtés, un jeune berger en favori bien taillé, en cheveux bouclés, en veste et culotte courte, à nœuds de ruban aux jarretières, se tortille avec amour et jette aux deux pucelles un regard en coulisses. Au bas de cet aimable tableau de genre qu'envirait M. Chopin, on lit ce quatrain qu'envirait M. Hancelot. La volupté vous tente, fuyez, ne cédez pas. Une joie innocente suivra tous ces combats. Et pensez que ceci entre dans ce qu'on appelle le langage des dieux. Auprès de la cheminée s'accroche un carton qui plie sous le poids de l'acrostiche suivant. Lieu chéri du Seigneur où la vertu réside, aimable solitude où l'Esprit Saint préside, trois fois heureux celui qui, charmé de tes biens, renonce au siècle et rompt ses funestes liens. Aidé par le secours de son Dieu qui le guide, plus il trouve de croix, plus il est intrépide. Persuadé qu'il est que l'instant de la mort est l'instant fortuné qui le conduit au port. Je comprends que la tristesse profonde que communique cette lecture engage à rompre avec le monde et à se retirer dans une solitude éternelle. À peine avions-nous terminé l'inspection de ces turpitudes que deux frères entrèrent sans mot dire et se prosternèrent à nos pieds, étendus à plat ventre, baisant la terre, et par cette humilité dont ils ont perdu le sens et qu'ils ne font plus que machinalement et traditionnellement, n'inspirant qu'un amer dégoût qui lève le cœur. Cependant, nous arrivions là, contents d'y séjourner plusieurs jours, prêts à tout admirer et pleins d'appréhension pour ce que nous allions voir. Quand ils furent redressés, ils nous firent silencieusement signe de les suivre et nous menèrent à l'église, pauvre construction sans ornement et sans grandeur. Nous nous agenouillâmes quelques secondes et bientôt, muets comme en venant, nous retournâmes au parloir. Là, nous nous assîmes tous quatre, un des frères prit l'imitation de Jésus-Christ et nous lut le 12e chapitre du livre 3 sur les misères des grands du monde. Hélas, et malheureusement, le passage était mal choisi. Pauvres artistes rêveurs et contemplateurs, amoureux de femmes, de fantaisies et d'imprévus, nous n'avions guère besoin de cette longue homélie sur les souffrances, réservées à ceux qui usent leur vie dans ce que ces braves moines nomment les voluptés profanes. Lorsque la lecture fut terminée, ils se précipitèrent encore à nos pieds, murmurèrent je ne sais quel verset latin et nous laissèrent enfin péniblement impressionnés du spectacle qu'ils nous avaient infligé. Le père hôtelier revint bientôt et nous conduisit à un corps de logis séparé où nous fûmes mis en possession des cellules qui nous étaient réservées. Chacune porte un nom de saint et un numéro d'ordre. Une couchette, une table de bois blanc, une chaise de paille meublent mon cabanon recrépi à la chaux. Un portrait de saint François d'Assise pend au mur dans un cadre de bois noirci. Ma fenêtre prend vue sur un potager. À peine sommes-nous entrés dans nos chambres que la cloche donne le signal du dîner des étrangers et des pensionnaires. Nous nous rendons à la salle Saint-Benoît qui sert de réfectoire. Nous nous asseyons à une table déjà occupée par 15 ou 20 personnes. Le silence est exigé pendant le repas. Un plat d'oseille, une jatte de bouilli, du beurre salé, quelques noix sèches, un gros morceau de pain bis charge une nappe rude et grise. Je mange peu. J'écoute à peine une lecture profondément ennuyeuse et morale que le père hôtelier nasille dans un coin, et j'examine mes compagnons de table. Rien de remarquable en eux que quelques tournures grotesques, sauf un prêtre, de manière distinguée, de figure douce et intelligente, ce ne sont que façons de goujats, sales et disgracieux. Quand les grâces furent dites, nous allâmes dans le jardin fumer en compagnie d'un abbé breton bonhomme, grand causeur, et d'une façon d'agent voyé qui me paraît vivre aux dépens des moines tout en se moquant d'eux. La cloche nous appelle, nous montons à l'église, nous prenons place dans une tribune réservée aux étrangers. Elle forme en bond et domine la nef où sont prosternés les moines avec leurs beaux costumes blancs et bruns. Le silence le plus profond règne pendant qu'un des trappistes psalmodie quelques versets et que les derniers rayons du soleil couchant passent par les vitraux des fenêtres et viennent ironiquement rire sur le mur. Les moines se relèvent, un d'eux entonne d'une voix puissante le Salve Regina, et toute la communauté l'accompagne du chœur. Les notes montaient, vigoureuses et pleines, éclataient sous la voûte et se répandaient sur nos têtes comme un vent d'orage sur la mer. Le Salve Regina s'apaisa, nous descendîmes dans l'église même et nous nous agenouillâmes parmi les moines devant l'autel de la Vierge. Sa statue blanche couronnée d'un diadème en clinquant, chargée de calices et de chapelets, entourée de fleurs, illuminée de cierges, croise dévotement ses mains derrière deux rideaux drapés. Ce n'est pas la retraite de la mère des sept douleurs. C'est l'alcôve mystérieuse préparée pour l'épouse. C'est le lit embaumé où l'amour vient murmurer ses plus tendres paroles. Ils aiment leur mari, mère de Dieu. Ils l'aiment avec le cœur, avec tous les sens qu'ils ont abjurés en prononçant leurs vœux. Aussi ils l'ornent comme ils cueillent pour elle les plus beaux bouquets de leur jardin, comme ils prennent leur plus douce voix pour la prier, et comme ils prononcent lentement leurs oraisons pour rester plus longtemps à la contempler. Trois frères professent, prosternés sous la lumière, chantent le premier verset des litanies de la Vierge, et toutes les voix répondent Miserere nobis. Je ne puis dire l'effet prodigieux, attendrissant de ces deux notes criées avec désespoir par un cœur entier. C'est une touchante et magnifique chose que cette évocation suprême, adressée à une femme qui vécut et souffrit parmi nous, pour qu'elle intercède auprès de celui qu'on appelle toujours et qui ne vient jamais. Du reste, n'est-ce pas le cri de tous, de ceux qui meurent et de ceux qui naissent, le cri de toutes les douleurs, de toutes les impuissances, le cri de tous les espoirs, de tous les amours, miserere nobis. Les prières du soir étaient terminées, nous regagnâmes nos cellules, et le lendemain matin nous visitâmes l'intérieur du monastère. Rien n'y est curieux, un grand couloir, un poussiéreux vestiaire, un cloître vitré, une bibliothèque garnie de livres connus, une grande salle de chapitre ornée de mauvaises peintures, une église simple et sans style, un dortoir puant où chaque lit porte son nom et se cache de son voisin derrière une cloison de planches à hauteur d'appui, un énorme réfectoire où chacun prend sa place devant l'eau et le pain bis, le tout parsemé de maximes morales et religieuses à l'usage des consciences douteuses. Tel est le couvent, tout entier. Nous parcourûmes les ateliers, les métairies. Ils travaillaient silencieux et contraints dans l'étable. Deux moines redressaient les cornes d'un taureau. Ignorant d'abord ce qu'ils expérimentaient sur la pauvre bête, nous nous questionnâmes entre nous. Un des frères nous regardait avec des yeux pénétrants et qui brûlait de parler. « Oculi habent labia !» Lorsque, enfin, à force de chercher, nous eûmes résolu le problème de notre curiosité, il inclina la tête avec empressement et nous fit signe que nous avions compris. « Il est beau de ne jamais parler quand l'âme est avec Dieu. » Mais quand elle est au milieu de toutes les besognes de la terre, ce n'est plus que ridicule. Une seule chose nous toucha, c'est cette courte histoire. Un jour, le père supérieur reçut une lettre qui lui annonçait la mort de la mère d'un de ses moines. Au réfectoire, quand le couvent fut réuni à table, il se leva et dit « Mes frères, un malheur frappe la communauté. Un de nous vient de perdre sa mère. Prions. » Et ce fut tout. Leur cimetière est beau cependant et de haute poésie. Les morts dorment sous des tertres surmontés d'une croix qui porte leur nom de trappiste et le temps de leur profession qui est toujours de quelques mois seulement ou de beaucoup d'années. Et en effet, les faibles meurent vite à cette rude vie. Elle soutient les forts au contraire et ils mènent une longue existence entre l'habitude et l'austérité. Le père hôtelier qui nous accompagnait marchait sur les tombes avec un mépris superbe pour ceux qu'elles renfermaient. Et cette indifférence profonde pour les morts nous fit presque croire à son dédain pour la vie. Ce fut avec une joie d'enfant et avec un allègement délicieux que nous chargeâmes nos sacs et que nous sortîmes de la maison du Seigneur. Nous traversâmes un bois, nous déjeunâmes au bourg de la Mellerais, nous montâmes en diligence, nous y dormîmes sur l'épaule l'un de l'autre et nous ne nous réveillâmes qu'à Niort et nous visitâmes les fresques de l'église. À 4h30, nous étions montés à bord d'un petit bateau à vapeur qui devait nous conduire à Nantes. Nous descendîmes ainsi la rivière de l'Erdre, dont les rives sinueuses portent de fins paysages imprévus et variés. Des prairies à hautes herbes entourent de petits bois qui baignent dans l'eau. Parfois, un moulin tourne ses ailes sous un horizon plat, et tantôt, de larges troupeaux paissent dans les prés mouillés qui leur montent jusqu'au ventre. Nous passâmes devant des coteaux suffisamment chargés de verdure et de maisons, et nous saluâmes les ruines d'un château de la Verrière, jadis habité par le maréchal Gilles de Rais, une des figures les plus foudroyantes de l'histoire. Les approches de la ville enlaidissent le paysage, et la nuit est presque venue quand nous entrons à Nantes. Maxime Ducamp.